on est deux à recompter les jours, recompter les jours, hey yeah. Ah, yeah, yeah. On est deux à recompter les jours, hey yeah. Pas assez de temps pour toucher ton cœur.